السلام عليك شيخنا. Que Allah vous préserve et vous accorde au Firdaus. Cher, j'aurais souhaité savoir comment devons-nous nous comporter face aux critiques émises envers certains savants ou talibérins. En effet, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de critiques envers Cher Raïs et Cher Ramdani. Ou le talib tabrahim Soufiane Abu Ayyub, certains parmi les frères disent que la règle selon Al-Sunna ou Al-Jama'a, c'est que la critique prévaut sur l'éloge, mais cela crée beaucoup de désordre parmi les frères. Certains d'entre eux disent qu'il ne faut plus assister à leurs conférences et d'autres parmi eux continuent de prendre d'eux. Pouvez-vous nous éclaircir? Devons-nous laisser ceux d'entre les frères qui peuvent assister à leur cours de savoir qui a été critiqué? Donc là, on fait cher. Pour les critiques des savants, hein, c'est bien de savoir qui ils ont critiqué, pour savoir comment se comporter envers cela. Mais ça ne veut pas dire que, dès que j'entends une chose, je commence à quoi? Je m'envole pour la propager partout. Non, je m'envole pour propager la chose, il faut au contraire dire que par Allah il m'a chafaad. Je ne dois pas être content qu'on fasse tomber quelqu'un, mais je dois ressentir de la peine. Non. Donc je reviens, je dis, il ne faut pas, se précipiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, trois personnes sont venues le voir, hadith sur dans le Bukhari. Trois personnes sont venues le voir. Quand les trois sont descendus de leur monture, deux des trois sont allés en courant vers lui. Le troisième n'est pas allé vers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé prendre une douche. Ensuite, a mis de beaux vêtements. Ensuite, il est venu voir le prophète. Le prophète a son profil, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu as deux qualités. Le fait que tu pardonnes, c'est un être. Le fait, c'est pas le témoin. Le fait que tu ne précipites pas dans les choses. C'est le hadith. Puis quand tu lui as dit, est-ce que c'est moi qui nous a donné ou la moi-même, quand tu lui as dit, c'est Allah, un mot. Le prophète lui a dit, tu as deux qualités comme ma salle à un. Encore, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le fait de ne pas se précipiter. Il n'est pas allé prendre la douche, pas changer de vêtements, il a mis même plus qu'il est revenu. Donc il ne faut pas se précipiter dans ces choses-là, sauf quand il y a un par exemple, la mise en garde, soit maintenant, ça fait longtemps qu'elle s'est propagée. Ça fait longtemps qu'elle s'est propagée et il y a tout le monde a pu vérifier que vraiment le savon l'a dit dans un état, par exemple, pas de colère. Pas parce qu'il était en colère ici, il ne faut pas écouter cette personne. Mais après avoir bien vu ce que la personne a dit, etc. Si on va parler de Raïs, par exemple, de Raïs, moi je ne le connais pas bien. Et j'ai lu peut-être dans ma vie une rythme ou deux de lui. Là, ça fait longtemps que j'entends quand que les savants mettent en garde contre lui. Certains. Ça fait longtemps qu'ils ont entendu ça. Là, des fois on dit de lui que. Il est revenu, c'est-à-dire il a dit, mais là où t'as l'âme, je n'ai pas d'avis de preuve. Une seconde. Assalamu alaikum, je profite juste pour dire, lever les mains pour ceux qui veulent poser des questions. Par contre, le frère Abou Yatmin et le frère El Rouda vont se charger de venir récupérer les questions dorénavant, parce que ça nous fait trop bugger l'ordinateur. Barakallahu alaikum, levez les mains, barakallahu alaikum, n'envoyez plus de messages, ils vont venir les récupérer, Inch'Allah. Un tour chacun, Inch'Allah. Barakallahu alaikum. Salam alaikum. Alors, toi, je voulais tout à l'heure dire, j'ai oublié, c'est entre autres, quand on dit la hawla ou la quwwata la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu, wa lahu al-fadl, wa lahu al-thana'u al-hasan, la ilaha illallah mukhlisin lahu ad-din, wa lahu kariha al-kafirun. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai oublié. Ça y est, est-ce que vous m'entendez? Donc ça c'est par rapport à Raïs, comme je disais, donc celui-là, moi, je ne lis ni je le connais, ni le moyen, je m'écarte de lui. Pour le Cheikh Abdelmalek Ramadani, vous avez remarqué que Bouvid Jamil Habibullah, lui-même, quand il a dit de lui que maintenant, il dit n'importe quoi, quelque chose comme ça, et quand on lui a posé la question sur ses livres, il a dit, ben, vous pouvez lire ses livres. Les livres qu'il a écrit, Yannick, dans le passé. Il ne reconnaît que, Yannick, que Cheikh Abdelmalek Ramadani, que c'est pas n'importe qui, il fait n'importe quoi. La preuve, il a dit, vous pouvez lire ses livres. Vous avez entendu ça dans la fatwa. C'est pour ça que je vous demande de ne pas vous précipiter. Celui qui veut, ne pas écouter, ne plus l'écouter, pas je l'écoute plus. Celui qui veut mettre en garde contre lui, si moi je mets en garde contre lui, ça va mettre en garde contre lui, qu'il le fasse, il est libre. Celui qui veut l'écouter, il est libre. Salam alaykoum, cher. Je suis un imam d'une mosquée. Et beaucoup de frères me demandent de les marier. Je les marie souvent, après le Jumu'ah. Des fois, et dans des cas difficiles. Exemple, une personne, chère, vivait dans le haram pendant des années. Ensuite, il me demande de les marier. C'est vraiment difficile pour moi, ou des gens qui ont des enfants, et ils n'étaient pas mariés. Que faire, chère? Comment les conseiller? Doivent-ils s'éloigner de trois menstrues et juste la tauba suffit ou juste les mains et ne pas les marier? Barakallahu fik. Et quel numéro 1 que vous rencontrez? Alhamdulillah. Pour ne pas oublier une chose, juste sur le frère Abdelmalek Ramadani, pour ne pas oublier une chose. Ce qui s'est passé, c'est pourquoi, cher Robert Djabiri, je pense à parler de lui. Surtout parce que, d'après lui, il dit que je ne suis pas encore convaincu que le Hanafi, est sorti de la Salafia. C'est vrai, il dit qu'il a des potes, mais le faire sortir de la Salafia, il dit, pour moi, je ne suis pas encore convaincu. C'est pour cela que quelqu'un a entendu une cassette où on a posé la même question au Cheikh, attendez comment il s'appelle, Cheikh Mouskin Nabel, Hafibahullah. Là, où on lui a dit, est-ce que d'après vous, le Halabi est sorti de la Salafia? Il a dit non. On lui a dit même si Cheikh Halabi a dit qu'il est sorti, il a dit même si. Comme ça. Il a dit même si. Donc lui, on lui en veut pas parce que il ne dit pas que le Halabi est sorti de la Salafia. On m'a au canal. L'année de préférence. Si on a fait une mise en garde contre le Halabi ou là, il vaut mieux l'éviter au place. Hein. C'est une mise en garde contre quelqu'un, on évite et on attend. On attend juste que la femme est à la carte, parce qu'il y a une vérité qui serait mieux sur la carte. Un mot.